là-haut quelqu'un? Qu'est-ce que veut, monsieur le marquis? Ah, Germain, donnez-moi ma robe de chambre. Oh, vous badinez, monsieur le marquis. Hein? Ah. Oui, oui. On a dit à madame la comtesse que vous étiez ici et elle va venir. Mais pourquoi cela? Je m'en vais faire mettre mes chevaux et j'irai chez elle. Mais monsieur, vous y êtes chez elle. Vous avez raison, c'est ce que je pensais. Au revoir. Monsieur, voilà la dame.